Toujours à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le Comité national d'études du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme de Guinée a publié un bulletin. Le bulletin comprend les écrits en l'honneur des immortels exploits du président comme Kim Il-sung, père affectueux et éminent leader du XXe siècle.